La délégation d'amitié nippo-coréenne liée par le Chuche, conduite par Koiwai Dakashi, vice-président du Conseil des citadins de Matsumoto en faveur de la réunification indépendante et pacifique de la Corée, et autres hôtes étrangers ont visité le 31 juillet le Palais du Soleil de Kumsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.